L'autre jour, me promenais au pays des étés rouges, chêne vert, raisin doré, short et genoux écorchés. Où sont les petits chemins où nous allions ribambelle? As-tu vu les bois de pin où nous allions galopin? N'ai pu retrouver la pierre, le platane et la fontaine où les grands chefs Cheyennes déposaient leurs bicyclettes. Ils sont passés par ici, ils couraient à perdre haleine dans le thym et les orties, les cours renvoyaient leurs cris. Buffalo Bill adorait gratter le ventre des cigales, Robin des Bois se battait à coups de boule de cyprès. Les pieds niques allaient grimper aux plus hautes branches des arbres pour se laisser balancer dans le vent chaud de juillet. Les amandiers ont brûlé en ruine et la capitale où les trappeurs affamés dévoraient pour le goûter. Des tartines de pain beurré saupoudrées de sucre en poudre ou de chocolat râpé, du pain d'épices insablé. Nous revenions tout crottés, barbouillés de mûres sauvages, les mollets égratignés par les ronces et les genêts. Le moulin est restauré, crépi blanc, gris aux fenêtres, plus de murs, les ardés, des quais ronds, des fences d'enterrés. Robinson Crusoe a pour femme une épicière et perles de rosée a des factures à payer. Ils sont passés par ici et ils chantent à tue-tête et dans le thym et les orties, les cigales et les fourmis. L'autre jour, me promenais au pays des étés rouges, chêne vert, raisin doré, short et genoux écorchés. Vent qui souffle en sang, mais des grimantins, jour qui souffle.